Les Karaïtes sont une peuplade hébraïsante amenée par le duc Vaïtotash de Crimée dans le sillage de ses armées au XIIe siècle. Les nazis déportèrent toute la population juive de Lituanie, sauf les Karaïtes, parce qu'ils les croyaient ariens. C'est une maison de bois qui n'a que trois fenêtres, une pour le foyer, une pour le grand-duc, une pour l'éternité. Quelle couleur aura-t-elle, princesse Karaïte? Bleue comme les trois étangs, grise comme le ciel du nord, rouge comme le couchant. Ton jouet est un cheval arabe monté par un officier de la garde. Dans la cour du château, la marelle t'entraîne vers le ciel, au-delà des trois lacs, loin de Tracaï. Ta mère portait des robes de velours, un boléro et des châles brodés. Un cénacle de sages de Crimée te légua une Bible en arabe que tu déchiffres lentement, syllabe par syllabe. Dans la maison aux trois fenêtres, une pour le foyer, une pour le grand-duc, une pour l'éternité, les rêves apportent des langueurs. Les frêles bouleaux reverdissent par la fenêtre de l'amour. Qui est ce jeune homme triste? Il vient de Vilna, en Lituanie. Il ressemble à l'ange fatigué. Par la fenêtre de l'éternité, les esprits du lac chuchotent de sombres prémonitions. Fenêtre du grand-duc, ils encerclent la maison dans l'île, ils pillent, massacrent, raflent, ils ont franchi les trois lacs. Garde, garde du château en ruine, ancêtres khazars, turkmènes et tatars, traçons le cercle magique et les soldats passeront sans voir. Dans la maison aux trois fenêtres, une pour le foyer, une pour le grand-duc, une pour l'éternité. Celui qui doit partir est venu faire ses adieux. Ne pars pas, je te cacherai. Ne va pas à Vilna, la ville au sang clocher. La princesse a fermé les volets. Qui va mourir. Princesse Karaïte, infante miraculée, entourée des langues de Babel, un ange pour compagnon, ton rêve pour phiatique. Ouvre au soleil lointain, à la foule des ombres qui reviennent hanter la petite maison de bois qui n'a que trois fenêtres, une pour le foyer, une pour le grand-duc, une pour l'éternité.